Chapitre 12. Escander à l'œuvre. Escander ne fut pas long à recouvrer tout son allant. Il commença par s'adjoindre un des collaborateurs du Monde, Francis Verdot, garçon débrouillard et malin qu'il avait déjà employé plusieurs fois. Verdot était adroit, mais il avait un grave défaut. Il raclait du violon et usait beaucoup de papier à musique en composant une opérette qui devait, selon lui, devenir fameuse, Les Chevaliers du Guet. Toutes les heures que ne lui prenait pas le journalisme, il les consacrait à cette opérette. Mais pour Escander, qu'il adorait, il aurait brûlé sa partition. « Verdot, lui dit celui-ci, vous allez vous rendre au splendide hôtel, savoir si le Raja Tokradazipal y est toujours, et surtout si personne de sa suite ne s'est éloigné. Faites vite et revenez, moi je vais à l'intérieur. » Escander s'était rapidement tracé une ligne de conduite. Il avait résolu d'endormir la défiance du Raja et d'agir secrètement. Il décida de faire passer dans le journal une note ainsi conçue. Mademoiselle Germaine Laurière est priée de donner de ses nouvelles à sa mère inquiète. Cette note laissait simplement croire que la jeune fille, absente de Paris, négligeait d'écrire à sa mère. En la lisant, Tokradazipal pouvait admettre qu'il avait dupé tout le monde. Au ministère de l'Intérieur, Escander obtint qu'on mit à sa disposition 10 des meilleurs agents de la Sûreté Générale. Il les choisit tous motocyclistes, leur donna rendez-vous au Monde et les enjoignit de ne parler à personne de ce qu'ils allaient être appelés à faire. Après quoi, Escander revint au journal, Verdot l'y attendait. « Eh bien, Tokra est toujours au splendide hôtel, son secrétaire intime est parti pour Cherbourg, où il va préparer le yacht de son maître, lequel part après-demain pour retourner aux Indes. » Escander atteignit un indicateur. « Voyons, Paris-Cherbourg, rapide, dans 3 quarts d'heure. » Se levant d'un bond, il coiffa de son chapeau Verdot, ahuri, le prit par un bras, le jeta dans un auto du journal, s'y jeta après lui en criant au chauffeur « Gare Montparnasse, en 20 minutes !» La voiture démarra. « Voilà, fit Escander, aussitôt à Cherbourg, vous allez sur le port. Vous vous faites montrer le yacht de Tokra. À n'importe quel prix, vous montez sur ce yacht. Vous le visitez de la cale à la pomme des mâts. Si Germaine est à bord, vous me prévenez par TSF. Si elle n'y est pas, vous revenez en vitesse. C'est compris ?» Verdot ne répondit pas. Il regardait Escander avec des yeux ronds. « Vous avez un revolver ?»« J'ai un canif, dit Verdot. » « Voici le mien. Voici 3 000 francs. » « Le train va partir dans 10 minutes, prenez votre billet et à bientôt. » La voiture s'arrêtait dans la cour de la gare. Escander poussa Verdot dehors. « Mais laissez-moi au moins le temps d'acheter un savon. »« Êtes-vous fou ?» cria Escander, puis au chauffeur. « Au journal, vite !» Et la voiture démarra. Verdot leva les bras au ciel, mais, poussé par son devoir et par son amitié pour Escander, il prit son billet, choisit un coin, s'y installa, et bientôt, bercé par le rythme du train, il se chantonna pour lui-même les premières notes de la chanson « Les Chevaliers du Guet ». Sol, sol, fa, do, ré, ré, mi. Le démon de la musique venait de le reprendre. Il tira de sa poche du papier réglé et se mit à le noircir. Les kilomètres et les signes musicaux marchèrent de pair. Quand Escander revint au journal, les 10 agents de la Sûreté Générale l'y attendaient. Escander les rassembla. « Messieurs, chacun de vous va se rendre dans un département que je lui désignerai. Votre mission consiste à parcourir les villes, les villages. Là où l'un de vous découvrira ou apprendra qu'il y a un ou plusieurs hindous, vous rassemblerez discrètement tous les renseignements que vous pourrez recueillir sur ceux ou ces individus, et vous me les ferez parvenir aussitôt. Tous les appareils publics de TSF seront mis à votre disposition. Les premiers départements à visiter sont en bordure de la mer, depuis Boulogne jusqu'à Saint-Nazaire. 8 jours vous sont accordés. La caisse du journal remettra à chacun de vous 1 000 francs. Vous aurez à justifier de leur emploi. Il faut que vous ayez quitté Paris dans 2 heures, soit sur vos machines, soit par le train. Au revoir, messieurs. » Escander s'était dit que si Tokradazipal était l'auteur du rapt, il se servirait de son yacht pour emporter sa proie. Il conduirait sans doute celle-ci sur le point de la côte où une embarcation viendrait la chercher et la mettrait à bord du yacht. Escander ne vivait plus. Tous ses soins pris, sentant que le filet était bien tendu, il s'attacha à la personne de Tocradazipal, mais il se rendit vite compte que cette surveillance ne donnerait rien d'intéressant. Le Raja ne s'occupait que de son départ et recevait les dernières visites de courtoisie de ceux avec lesquels il avait été en rapport. D'ailleurs, comment aurait-il pu cacher près de lui une jeune fille française sans que rien ne révélât la séquestration de cette dernière? Le pauvre garçon s'en alla voir la mère de Germaine, et là, dans ce paisible intérieur, où il lui semblait que la jeune fille était toujours présente, il laissa déborder son cœur et confia à la vieille mère en larmes tout le chagrin, tout le désespoir qui pesait sur lui. Le lendemain, vers 11 heures, Escander vit entrer dans son bureau une tête méconnaissable. C'était Verdot. Mais quel Verdot ! Sans col, les vêtements fripés, les mains et le visage disparaissant sous une couche de poussière de charbon. « Pour Dieu, dit Escander, qu'est-ce que vous avez ?»« Rien, dit Verdot en tombant sur une chaise. Ce que j'ai fait est très simple, n'importe qui en aurait fait autant à ma place. Le yacht, qui s'appelle le Lotus, faisait son plein de charbon. Je remis un billet de 100 francs à un débardeur qui voulut bien me confier un sac de charbon. C'est très lourd, le charbon. Et mon sac sur l'épaule, je montais, sur une diablesse de planche, étroite comme tout, à bord du yacht. Là, comme je ne connais personne qui puisse m'empêcher de voir ou d'entendre, j'ai acquis la certitude que non seulement Mademoiselle Laurière n'était pas à bord, mais encore qu'elle n'y était pas attendue. Comment avez-vous acquis cette conviction? On n'a rien préparé pour la recevoir, et on ne fait pas voyager une jeune personne sans mettre à sa portée les choses qui lui sont nécessaires. Un détail, un rien, m'aurait fait comprendre, voire, qu'une femme devait venir sur le yacht. « Je vous remercie, dit Escander, vous êtes un brave garçon. Pardonnez-moi, j'ai la tête perdue. »« Et maintenant, dit Verdot, que faut-il que je fasse ?»« Vous allez prendre un bain, dit Escander. »« Oui, et après ?»« Vous ferez votre valise. Tocra par demain, on attachera un wagon-salon au rapide de Cherbourg. Vous prendrez place dans ce train et vous ne quitterez l'Asiatique que lorsque, à son bord, il aura pris le large. » « C'est compris, dit Verdot. Au revoir, patron. »« Au revoir, mon vieux. Merci. » Le jeune reporter allait quitter le bureau, Escander alla à lui et lui serra les mains avec effusion. « Retrouvez-la, Verdot, dites, retrouvez-la. »« Tout ce qu'un homme peut faire, je le ferai, dit tristement Verdot. Ça me fend le cœur de vous voir ainsi. Au revoir, comptez sur moi. » Verdot, en descendant l'escalier, ne se faisait aucune illusion. Mais du moins, à défaut de confiance, il avait du courage et le plus grand, le plus impérieux désir de rendre le calme et le bonheur à son ami. Sa vie dut-elle en être la rançon ?